Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les disparus de Mourmelon. À l'été 1988, à Bussière, en Saône-et-Loire, deux gendarmes contrôlent un camping-car garé sur un chemin à proximité des travaux du TGV. Le conducteur est un militaire, grand, sec, musclé, l'air un peu fermé. On découvre, à l'arrière de son van, un jeune homme ligoté qui supplie les gendarmes de le sauver. Le conducteur s'appelle Pierre Chanal. Son arrestation marque le point de départ de l'une des plus grandes affaires judiciaires françaises. Car c'est un dossier hors norme que nous ouvrons aujourd'hui. En termes de durée d'abord, puisque l'affaire s'étend sur presque 23 ans entre 1980 et 2003. Par son dénouement également dramatique, par les erreurs et les errements commis. Enfin, avec les personnages que cette histoire dévoile. Un gendarme solitaire qui ne lâchera rien. Un suspect qui ne pliera jamais, des victimes nombreuses et des crimes sans trace, ou presque. Une affaire témoin d'une époque également et qui en dit long sur le fonctionnement et les dysfonctionnements de la justice. En un mot commençant, sensible. Notre invité aujourd'hui, Jean-Luc Ployer, expert psychologue auprès des tribunaux et notamment pour l'affaire Chanal. Il est l'auteur du livre intitulé « L'approche du mal » chez Grasset, dans lequel il retrace ses entretiens avec les criminels les plus connus de l'histoire judiciaire contemporaine. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Juliette Proutot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Cela fait maintenant quelques heures que Palache Falvé attend au péage de Châlons-Nord, en Saône-et-Loire, espérant que quelqu'un le prenne en stop. Ce jeune Hongrois de 20 ans s'offre un périple touristique en Europe de l'Ouest. Il était à Paris, il compte descendre un peu plus au sud, dans la région lyonnaise. Nous sommes le lundi 8 août 1988. Il fait chaud et Palace Falvé commence à perdre patience. « Bon, je laisse passer encore trois voitures et après j'arrête », se dit-il. Une première passe, mais ne ralentit pas. Quelques minutes plus tard, un second véhicule s'avance devant l'autostoppeur, mais trace sa route. Et alors qu'il est prêt à abandonner, Palache Falvé voit un combi Volkswagen vert s'arrêter à quelques mètres. Le jeune touriste monte dans le véhicule. Il est 22 heures, le piège vient de se refermer sur lui. Le conducteur se présente. Ça tombe bien, lui aussi se dirige justement vers Lyon. Il ne parle pas anglais et Palache Falvé ne parle pas français. Tant pis pour la communication. À Mâcon, le conducteur décide de quitter l'autoroute du Sud pour emprunter les routes secondaires. L'autostoppeur ne comprend pas pourquoi il s'éloigne de plus en plus des axes principaux, mais bon, pourquoi pas. À plusieurs reprises, le conducteur s'arrête pour aller à l'arrière du fourgon, chercher une lampe, puis une carte, puis un fruit. Il fait nuit et le van s'enfonce petit à petit dans la campagne. Palace commence à s'inquiéter, mais un peu mal à l'aise, il n'ose pas dire grand-chose. Et il fait complètement nuit quand le conducteur s'arrête de nouveau sur le bord de la route. Il est retourné à l'arrière une troisième fois et il m'a surpris. De quelle manière ? Il a passé une sangle autour de mon cou par derrière et il a tiré très fort. Avec mes mains, j'ai tenté de me dégager. Mais il serrait très très fort. J'ai compris que si je voulais respirer, il valait mieux que je ne résiste pas. Le calvaire de Palache va durer 19 heures. Autant de temps à servir d'objet sexuel à son agresseur. Il est violé, contraint à des mises en scène sexuelles SM et filmé par son bourreau, mutique, froid, minutieux, toujours sous contrôle. La torture va durer toute la nuit et la journée du lendemain. Il est 20h quand l'agresseur sort du van pour prendre l'air. Palache ne le sait pas encore, mais par un concours de circonstances, son calvaire vient de prendre fin. C'est en effet à ce moment-là que Christian Genet, un gendarme en patrouille sur la commune, aperçoit le combi vert garé au bout d'un chemin sans issue. Avec son collègue, il décide de procéder à un contrôle. De routine, pense-t-il. Il s'approche, demande ses papiers à l'homme qui se tient à côté du véhicule. « Je suis militaire », leur dit le propriétaire de combi, au visage un peu crispé, sous un air faussement détaché. « Et alors ?» répond Genet, en récupérant la carte officielle de l'armée qui lui est tendue. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là si le gendarme n'avait pas décidé de faire un petit tour autour du fourgon. Il remarque alors, à travers l'interstice d'un rideau, une forme sous les draps. Il se penche pour voir de plus près et c'est bien la forme d'un homme caché sous des couvertures. Palache entend alors les gendarmes et comprend qu'il lui faut faire quelque chose, vite. Alors il essaie, malgré les liens qui l'entravent, de se relever et de se dégager des couvertures. Il parvient à sortir la tête, pas beaucoup, juste assez tout de même, pour qu'on voit la chaîne qui lui enlace le cou. En passant derrière, sur la lunette arrière, il y avait un rideau et il y avait un petit espace qui permettait de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, par curiosité, j'ai regardé ce qui se passe à l'intérieur et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une forme humaine sous une couverture allongée. Et c'est là que la couverture a glissé. Et quand la couverture a glissé, j'ai vu qu'elle était ligotée au niveau des chevilles, des poignets et surtout au niveau du cou. Elle était enchaînée au niveau du cou. Son regard croise alors celui de Genet qui se retourne d'un coup vers le conducteur pour lui demander des explications. Ah non, c'est pas ce que vous pensez, non. Il s'agit de folklore, de jeux homosexuels. Ah bon ? Le gendarme est méfiant. Pour tout dire, il n'y croit pas. Et quand il ordonne la libération du jeune homme, Palache s'agrippe à son sauveur en criant, en le suppliant de le sauver en anglais, « Il va me tuer !» Genet comprend alors qu'il ne s'agit pas de simples jeux sexuels. Et il arrête le propriétaire du combi. Il ne le sait pas encore, mais il vient de mettre la main sur celui qui sera l'unique et principal suspect d'une affaire qui a débuté une centaine de kilomètres plus loin, 8 ans plus tôt. Son nom, Pierre Chanal. Quand Pierre Chanal est arrêté, cela fait alors 8 ans, effectivement. 8 longues années que les gendarmes sont à la recherche d'un suspect dans une mystérieuse affaire de disparition dite des disparus de Mourmelon, connue également sous le nom de Triangle maudit de Mourmelon ou encore des Bermudes de la Marne. Autant de formules qui feront bon les titres de journaux, car bien avant, la police ou l'armée, c'est la presse effectivement qui s'est intéressée à ces disparitions de jeunes militaires. Et tout cela dans un triangle d'une 15 km², quadrillé par 3 bases militaires, Suip, Mailly, Mourmelon. 3 casernes coincées entre la départementale 77 et la nationale 44. Car elles sont étranges, ces disparitions. Toujours de jeunes hommes, entre 18 et 21 ans, tous affectés dans l'une des 3 casernes, tous disparus lors d'un départ en permission, un jeudi, un vendredi, tous faisaient du stop pour rentrer chez eux. Il y a d'abord Patrick Dubois, qui disparaît en janvier 80 sur le chemin de la gare de Chalon. L'année d'après, en février 81, c'est Serge Avet qui se volatilise alors qu'il rentrait en stop chez ses parents. En août 81, c'est au tour de Manuel Carvalho. Le mystère s'épaissit. Quand à peine 15 jours plus tard, on perd la trace de Pascal Sergent. Et l'année suivante, en septembre 82, c'est Olivier Donner qui s'évanouit dans la nature. Ça fait beaucoup. Pourtant, pendant 2 ans, personne ne prend au sérieux ces disparitions. Ni la police, ni la justice, ni l'armée d'ailleurs. Il ne s'agit alors que de quelques dossiers de déserteurs perdus au milieu de milliers d'autres. Esselés, les familles ne savent pas non plus vers qui se tourner. En fait, elles ignorent qu'il leur faudra encore attendre des années avant d'avoir des réponses. Mais une macabre découverte le 31 octobre 1982 va venir lancer l'enquête. Nous ouvrons donc ce journal avec un fait divers qui soulève, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques interrogations. Il y a un mois, un cadavre était découvert en bordure de la Nationale 77, cadavre dont la presse nous apprenait ce matin qu'il s'agit d'un jeune appelé de 20 ans, effectuant son service militaire à Mourmelon-le-Grand. Le 30 septembre dernier, Olivier Donner quitte le 4e dragon de Mourmelon pour une permission de 3 jours. Il rentre chez lui à Troyes, en autostop, comme à son habitude. On ne le reverra plus vivant. 10 jours plus tard, un chasseur découvre un cadavre, celui d'Olivier, on l'apprend hier, dans un bosquet à la sortie de Mailly-le-Camp. La Nationale 77 refait donc parler d'elle, avec cette fois une tragédie au bout du chemin. Il y a plus d'un an et demi, Serge Avet, appelé lui aussi, disparaît sensiblement au même endroit. Il rentrait chez lui à Tinqueux, en autostop. 6 mois plus tard, un autre militaire du contingent, Pascal Sergent, s'évanouit à son tour dans la nature, toujours au bord de la Nationale 77. L'enquête repose alors sur la mort d'Olivier Donner, mais aussi sur l'obstination d'un gendarme récemment arrivé à la section de recherche de Reims, Jean-Marie Tarbes. Il sera pendant plus de 20 ans la pierre angulaire des investigations sur les disparus de Mourmelon. C'est au début de l'année 83 que Jean-Marie Tarbes commence à se pencher sérieusement sur l'affaire, qui n'en est toujours pas une. Il est alors le premier et le seul à appréhender la situation comme un tout, plutôt qu'une succession de désertions. La Marne est un département avec une forte présence militaire, constellée de casernes. Les gendarmes sont habitués aux désertions, signalement modèle 1, selon le nom du formulaire type pour les appeler n'ayant pas regagné leur caserne. Mais il sent qu'avec ces dossiers-là, quelque chose cloche. Les jeunes soldats qui désertent, tôt ou tard, ils se font coincer ou donnent des signes de vie. Mais ces jeunes-là, non. Alors quoi? Ont-ils été enlevés? Tués? Par qui? Par plusieurs personnes? Un seul homme? Jean-Marie Tarbes fait face à plusieurs obstacles. Il n'y a pas de témoins, pas de preuves, pas d'indices, rien. Non, rien, à part la certitude des familles que leurs enfants ne se sont pas volatilisés volontairement. Et l'instinct d'un flic. Car c'est là qu'une autre disparition survient, un civil cette fois, en août 85. Patrice Denis, il a 20 ans, il est le sixième disparu et relance l'enquête. Jean-Marie Tarbes le sait, cette affaire est liée aux autres disparitions dans la région. On était persuadés que toutes ces affaires n'en faisaient qu'une et qu'il s'agissait d'une affaire criminelle et non pas d'affaires séparées et de simples désertions. Soutenu par Joël Vaillant, Jean-Marie Tarbes sort les grands moyens, battu dans les bois, visite et fouille des fermes alentours, des fossés, utilisation de caméras techniques capables de repérer des corps en décomposition, le triangle maudit et ratissé de long en large. Et rien, l'enquête piétine. En avril 87, un autre appelé disparaît, Patrick Gache, jeune militaire du 4e Dragon de Mourmelon. Cette fois, l'armée est contrainte d'ouvrir ses portes. Les gendarmes ordonnent la fouille complète des casernes dans l'espoir de trouver des indices. Ils retrouvent les anciens camarades de chambre appelés à incorporer en même temps que les victimes. Et ils explorent toutes les pistes, tentent d'élaborer le profil du suspect. Un civil en colère contre l'armée, un appelé révoqué ou renvoyé, jaloux des militaires en fonction. Aucun suspect ne se détache. Et pourquoi pas un militaire d'ailleurs? C'est vrai, l'homme qu'il recherche ne laisse aucune trace. Il est donc rigoureux, précis, ordonné, capable de maîtriser des jeunes en pleine forme physique, rapidement et discrètement, qui plus est. Ça pourrait correspondre. Mais cette opinion, cette option, ne plaît guère à l'armée, régulièrement accusée d'obstruction par les familles des victimes. L'institution militaire préfère ridiculiser l'enquête, rappelant cette fois le cas d'un jeune appelé, porté disparu en juillet 87, et qui était réapparu quelques semaines plus tard chez sa fiancée. Que des déserteurs, on vous l'avait bien dit. Quant aux familles des victimes, elles ne désarment pas. Elles sont reçues au ministère de la Défense alors que l'armée considère toujours les disparus comme des déserteurs. Cela fait maintenant plus d'une heure que les familles sont reçues au ministère de la Défense. Accompagnées d'un représentant de la Ligue des droits de l'homme, elles sont venues demander des explications sur l'attitude de l'armée depuis le début de ces disparitions il y a 8 ans. En tête, Alain Gache, le frère du dernier des disparus de Mourmelon. Comme tous les autres, son frère est toujours considéré comme un déserteur par l'armée, qu'il a même condamné à 5 mois de prison ferme et à 300 francs d'amende pour désertion. Nos enfants sont méprisés par les autorités militaires, disent les parents, et les familles ne se font guère d'illusions quant à l'issue de cette réunion. Dans cette affaire, l'armée n'a jamais été très bavarde sur le déroulement de l'enquête. Mais Tarbes et Vaillant, eux, s'accrochent à la piste criminelle. Ils rédigent alors une fiche, un questionnaire précis qu'ils font passer dans les gendarmeries de la région avec les éléments dont ils disposent. Le profil des disparus, les conditions de leur enlèvement, après tout. Quelqu'un va peut-être voir quelque chose, se souvenir d'un détail, on ne sait jamais. Et ils ont raison, car c'est bien ce questionnaire qui va marquer un tournant dans l'enquête. Débouchant enfin sur celui qui restera le seul véritable suspect, un militaire, l'adjudant-chef Pierre Chanal. Pierre Chanal, souvenez-vous, c'est l'individu qui est arrêté par Christian Jeunet en août 88 avec un jeune homme enchaîné à l'arrière de son combi Volkswagen. Et c'est en se souvenant d'un questionnaire au sujet de jeunes disparus vers Mourmelon que le gendarme comprend. Je tenais les documents professionnels de ce monsieur, du conducteur. En retournant la carte, j'ai vu qu'il était affecté donc à Fontainebleau. Et juste avant Fontainebleau, il était affecté sur Mourmelon. Mourmelon, les disparus, c'est là que ça fait, comme on dit, tilt tout de suite. Je n'ai prévient la section de recherche de Reims. On a peut-être un client pour vous. Vous devriez venir voir. Le 10 août 1988, Joël Vaillant prévient Jean-Marie Tarbes. Filez à Mâcon. Un gradé a été arrêté. Prenez la température. Dites-moi ce que vous en pensez. Ni une ni deux, le gendarme prend la route et parcourt les quelques 400 kilomètres qui le séparent de la gendarmerie de Mâcon. Mais aucun élément ne sort de ces 3 heures d'audition entre Chanal et Tarbes. Rien. Sauf la certitude du gendarme. Les disparus du Mourmelon, c'est lui, Chanal. Il ne l'explique pas, une intime conviction en tout cas. Il prévient son chef. Je reste sur Chanal, je ne le lâche plus. On était intimement persuadés, le capitaine et moi, et le juge d'instruction de l'époque, que le plus dur avait été fait et que là, c'était qu'une question de semaines, voire de mois. C'est vrai que Pierre Chanal ne colle pas seulement au profil. Il est le profil. Il coche toutes les cases. Non seulement, il a fait partie du 4e dragon de Mourmelon, mais il a été le supérieur hiérarchique de 4 de ses victimes. Chanal maîtrise les techniques de combat nécessaires à l'immobilisation et l'agression de jeunes hommes. Il prend régulièrement des autostoppeurs et son arrestation pour le viol de Palash Falvé a révélé les travers de son homosexualité refoulée. Les objets retrouvés dans son combi sont assez révélateurs. Des jouets sexuels, un vibromasseur, des sangles en nylon avec des poignées pour étrangler, mais aussi une caméra sur laquelle on retrouve le film de l'agression du touriste hongrois. Des dizaines de slips masculins de toute taille, des cassettes audio avec des enregistrements sexuels, bref, un attirail très suspect. La presse, comme la police, a donc trouvé son coupable. Pierre Chanal sera le Rambo fou de Mourmelon, une image que l'adjudant récusera tout au long de l'enquête. Et donc Pierre Chanal, qui est l'homme qui se cache derrière le militaire? On en sait bien peu sur lui. De regard froid ou triste peut-être, il ne sourit presque jamais. Un visage fin, des pommettes saillantes, taillées à la serpe, comme on dit. Il est grand, mince, très sportif. Il court 15 km tous les matins, après avoir fait son lit au carré. Un homme sérieux, discipliné, solitaire surtout. À qui on ne connaît ni amis, ni relations. Triste comme la pluie sur l'été. Il ne boit pas, ne fume pas, ne participe pas aux soirées aux casernes. Ancien commando, il est aussi exigeant avec lui qu'avec les autres. Il était fait pour ce métier-là, résume un camarade. À moins que ce ne soit l'armée qui l'ait modelé selon ses désirs pour en faire l'un de ces moines soldats de ceux devenus rares, qui ne vivent que par et pour l'armée. Il le dira lui-même d'ailleurs, sa vraie famille, c'est elle. Il faut dire qu'avant l'armée, qu'il intègre à 18 ans, Chanal n'a pas eu la vie facile. Né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans l'hiver 1946, vers Saint-Étienne, il est le cinquième d'une fratrie qui vit des allocations familiales, entre une mère dépassée et un père alcoolique et violent. Il quitte l'école à 14 ans et travaille dans une usine jusqu'à ce que l'armée lui ouvre ses portes. À partir de ce moment-là, la vie de Pierre Chanal se fond dans la carrière de l'adjudant. Un cadre, un idéal, une mission, l'armée lui donne tout. Il vivra donc pour elle. Les expertises psychologiques réalisées après son arrestation révèlent une personnalité clivante, avec des parts d'ombre, en particulier s'agissant de sa sexualité. Les psychologues découvrent un homme compulsif, obsessionnel, quelqu'un qui prend du plaisir dans la souffrance des autres. Une personne qui exprime un sentiment de tristesse et de honte, mais aucune culpabilité. Ce rapport rassure les gendarmes. Le coupable, c'est lui. L'affaire sera donc bientôt bouclée. Question de mois à peine, avance Jean-Marie Tarbes. Après tout, Chanal était à Mourmelon au moment des disparitions et il n'a aucun alibi. Obligatoirement, ce type-là va avoir laissé quelque chose. Obligatoirement, il y a quelqu'un qui va craquer, qui va nous parler, qui va... Et puis rien. Il ne reste plus aux enquêteurs qu'à trouver la preuve directe qui reliera de manière incontestable l'adjudant au disparu. Et c'est sur la science qu'ils vont s'appuyer. Les gendarmes décident de fouiller, de désosser le van de Chanal. Pendant 2 jours, son fameux combi vert est minutieusement inspecté par Loïc Loribaud et son équipe de scientifiques. Il récupère alors des centaines de poils et cheveux dispersés dans le véhicule, dont 6 n'appartiennent pas à Pierre Chanal. 6 poils, 6 disparus. L'étau se resserre autour de l'adjudant. Mais voilà, à l'époque, la science criminelle et les analyses ADN ne sont pas aussi précises et solides qu'aujourd'hui. Et puis, Chanal le dit lui-même, oui, il prend souvent des jeunes en stop. Oui, il a pu transporter les disparus, mais seulement les transporter, rien d'autre. Il y avait aussi cette pelle pliante couverte de terre retrouvée à l'arrière de combi. Loïc Loribaud confirmera qu'il s'agit de la même terre que celle dans laquelle on a retrouvé le corps d'un autre jeune homme, Trevor O'Keefe. Cet autostoppeur irlandais de 20 ans avait disparu le 3 août 87, un an avant l'enlèvement de Palash Falvey. Frappé, étranglé, son corps a été découvert quelques jours plus tard à Alincourt, à 90 km de Reims. Mais voilà, Alincourt se situe dans l'Aisne et pas dans la Marne. Le dossier O'Keefe est donc traité séparément des autres disparus. Et sur place, le juge d'instruction n'y croit pas. Et donc, il refuse d'inculper Pierre Chanal. Les enquêteurs décident alors de jouer le tout pour le tout, faire avouer l'adjudant-chef Chanal. Ben on s'est dit, c'est incontournable, il va falloir passer à l'affrontement. Bon, il a fallu préparer cet affrontement. C'est un doux euphémisme lorsque je parle d'affrontement, parce que ça a été vraiment très pénible, certainement pour lui, mais je crois psychologiquement à la limite plus pour nous, parce que là aussi, nous avions mésestimé ou sous-estimé les forces en présence. 17 mars 1988, la garde à vue du seul véritable suspect de l'affaire des disparus de Mourmelon débute. Les gendarmes d'armes et vaillants veulent mettre Chanal sous pression tout de suite. Alors il le place dans une pièce coupée du monde, avec des volets clos, de la lumière électrique uniquement, et il lui retire sa montre. Les gendarmes arrivent décidés avec des centaines de questions, 611 exactement. Où était-il au moment des disparitions? Connaissait-il les victimes? A-t-il des amantes? Ou des amants, plutôt? Le bras de fer s'engage, les questions se succèdent et rapidement, Tarbes comprend qu'il est face à un mur. Dans la soirée, alors que le gendarme lui demande l'heure qu'il est, Chanal répond froidement « 23h25, la bonne heure, à 5 minutes près ». La garde à vue dure depuis 46h30 et le gendarme réalise que pas une fois Chanal n'aura été déstabilisé. Le policier explique. Chanal est passé par tous les stades. La camaraderie, la rigolade, de longues périodes de mutisme. Sa parade, c'est de mettre sa tête dans ses mains, coude appuyé sur les genoux et ne plus parler. Ou alors de s'allonger, tout raide, par terre, pour empêcher qu'on le soulève. Chanal résiste, Chanal nie. 47 pages d'audition, pour rien. Cet échec va affecter durablement la suite de l'enquête. D'autant plus qu'il est suivi en 1989 de l'affectation de Vaillant à une nouvelle gendarmerie. Jean-Marie Tarbes se retrouve seul, dans une impasse et dans une enquête au point mort. Le 23 octobre 1990, le procès de Pierre Chanal pour le viol et la séquestration de l'autostoppeur hongrois, et uniquement pour ce dossier-là, débute. C'est que la famille et l'enquêteur redoutaient justement que le procès se tienne dégroupé des dossiers de Mourmelon. Une affaire peut en cacher une autre. L'ex-adjudant Pierre Chanal comparaît aujourd'hui devant la cour d'assises de Saône-et-Loire pour le viol d'un jeune autostoppeur hongrois, en août 88. Et pour ce viol seulement. Chanal a été soupçonné dans le cadre de l'affaire des disparus de Mourmelon, mais rien n'a été prouvé. C'est donc uniquement pour le viol de Pallas Falvet que Pierre Chanal sera jugé. Pendant l'audience, Chanal est fermé, froid, craintif. C'est une bête traquée qui attend son jugement. L'ombre des disparus plane durant tout le procès, bien sûr. Les familles des victimes sont présentes. Elles sont venues voir le suspect, leur suspect. Chanal est condamné à 10 ans de prison. Pour les enquêteurs et les familles, c'est une bonne nouvelle. Parce que 10 ans, c'est long, suffisant en tout cas, pour trouver les témoins, rassembler d'autres preuves. Et c'est la science qui va venir apporter les réponses attendues par les familles. À ce moment de l'enquête, l'affaire ne tient, et ce n'est pas une image, qu'un cheveu, l'un des 6 retrouvés dans le van de Chanal. Tous devaient être analysés quelques années auparavant. Les chercheurs trouvent finalement une concordance avec l'empreinte génétique du disparu, une seule, Patrick Gache. Le 30 juin 1993, soit 13 ans après la première disparition, Pierre Chanal est donc enfin mis en examen dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Et alors qu'on la croit résolue, ou sur le point de l'être, le mécanisme s'enraye. Une fois de plus, les expertises génétiques sont contestées par les avocats Chanal, qui en demandent de nouvelles, ralentissant la procédure. Les juges d'instruction se succèdent, et à chaque fois, il faut tout reprendre à zéro. Et puis il y a le dossier de Trevor O'Keefe. À ce moment des investigations, il n'est pas directement lié au disparu de Mourmelon, instruit séparément donc. Le parquet de Saint-Quentin n'est pas informé de l'avancée de l'enquête par les juges d'instruction de Reims. Des erreurs invraisemblables sont commises et dénoncées notamment par Éric Dupont-Moretti, l'avocat de Madame O'Keefe. Écoutez sa réponse quand on lui demande pourquoi l'instruction a été malmenée dans le dossier de sa cliente. Maître, lorsque vous dites que le travail d'instruction a été mal fait ou plus ou moins bien fait, vous voulez faire allusion à quoi par exemple dans le dossier ? Je vais vous donner 2 exemples très précis et très simples. On découvre sur le cou de Trevor O'Keefe des marques de strangulation qui sont linéaires et qui mesurent 8 mm. On découvre des sangles dans le véhicule de Chanal et le juge d'instruction n'a jamais songé à comparer les sangles avec les marques de strangulation. D'autre part, on découvre des effets vestimentaires dans le véhicule de Chanal. Ma cliente quitte l'Irlande, rencontre le juge d'instruction, lui demande s'il est possible que ces effets vestimentaires lui soient présentés et on lui répond « Madame, rien n'a été saisi ». Alors, ça confine pour ma cliente à un déni de justice, car il est évident que cette femme, qui est la mère de Trevor O'Keefe, était à même de savoir si les effets vestimentaires découverts dans le véhicule de Chanal sont les effets vestimentaires de son fils. En 1995, le dossier des disparus de Mourmelon piétine toujours. Et cette fois, l'impensable se produit. Pierre Chanal obtient, comme la justice le lui permet, une remise de peine pour bonne conduite. En juin 1995, 15 ans après la première disparition, il est donc libre. Un coup de massue pour les familles. Et pour Jean-Marie Tarbes, dont ses collègues moquent l'obstination. Ton dossier, c'est le Mistral. Il n'y a que du vent dedans, lui disent-ils. Et Chanal prend alors les devants. Il veut faire entendre sa version des faits, sa vérité. Lui qui a toujours clamé son innocence pour Mourmelon, comme il dit, dénonce maintenant l'acharnement des gendarmes, de la justice. Ce que Tarbes ne sait pas, c'est que les renforts arrivent avec l'affectation du nouveau juge d'instruction, Pascal Chapard. À 29 ans, c'est le 7e magistrat chargé de l'affaire. Mais lui va tout mettre en œuvre pour faire avancer l'enquête. Il sera le dernier magistrat instructeur de l'affaire des disparus de Mourmelon et il le fait savoir. D'abord, il décide de réunir tous les dossiers. Obstiné, il met la main sur des scellés, des éléments de preuve retrouvés dans le combi de Chanal, invraisemblablement perdus dans les greniers du tribunal depuis 1988. Il demande également à ce que le matelas en mousse qui était présent dans le fourgon soit compressé, afin de vérifier qu'il n'y a pas d'autres éléments de preuve pouvant venir appuyer la mise en examen de l'ancien adjudant. Alors que ces recherches auraient pu être effectuées des années plus tôt, il aura fallu attendre 2002 pour que l'on retrouve dans ce matelas des centaines de cheveux supplémentaires. Chapard fait alors effectuer une prise de sang sur tous les membres des familles des victimes. Les analyses parlent, 3 cheveux correspondant au profil génétique de 3 disparus, Denis, Gache et O'Keefe. Cette fois, c'est la bonne. Chapard clôt l'instruction et renvoie Chanal aux assises pour ses 3 dossiers. Mais faute de preuves suffisantes, un non-lieu est déclaré pour les 5 autres cas. Le procès des disparus de Mourmelon aura bien lieu 23 ans après la première disparition. C'est le soulagement du côté des familles qui attendent et espèrent des réponses. Pierre Chanal, lui, clame toujours son innocence et prévient qu'il ne se rendra pas aux audiences. Pour les militaires, tout est joué d'avance. La justice veut un coupable et ce rôle lui est attribué. Il se sent condamné d'avance et il l'affirme, il préférera la mort à la justice. De toute façon, si ça devait arriver à un jugement, même étant innocent, je suis persuadé que je serai condamné parce qu'il y a eu trop d'effets médiatiques, d'accusations fausses, de faux témoignages. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement. Je l'ai prévu depuis très longtemps, c'est une résolution que j'ai prise. Le 12 mai 2003, veille du premier jour d'audience, Chanal met ses menaces à exécution. Il tente de se suicider en avalant de grandes quantités de somnifères. Son état de santé se complique, il fait une embolie pulmonaire. Le procès est reporté au mois d'octobre 2003. Pour éviter que la situation ne se reproduise, Chanal est transféré dans une chambre sécurisée au premier étage du CHU de Reims. Il refuse toujours de comparaître, mais ne parvient pas à empêcher le procès de se tenir. Cette nouvelle procédure autorise un jugement en l'absence de l'accusé, à condition qu'il soit tenu au courant par un greffier du déroulé des débats. Le 14 octobre 2003, enfin, le procès s'ouvre. Comme il avait promis, Chanal refuse de comparaître. Il reste donc dans sa chambre d'hôpital, pourvu d'une vitre sans teint, car il est surveillé par 3 policiers qui font des rondes et viennent le voir tous les quarts d'heure. Dans la soirée, son avocat lui rend visite. Il le trouve très faible et en même temps relativement serein. Il le quitte à 22h10. De 22h25 à 22h50, un huissier et 2 greffiers lui font la lecture des PV d'audience. À minuit 25, un infirmier vient prendre sa tension. Un policier vérifie sa chambre à minuit et demi. Chanal le sait. S'il veut en finir, il a 15 minutes. Il ne lui en faudra que 7. Il l'avait dit, répété, il n'est pas coupable. Il refuse d'être jugé pour Mourmelon, de se soumettre à ce regard accusateur. Lui qui a déjà tout perdu. Alors, sans un bruit, dans un gémissement, il tient parole. Pierre Chanal glisse sur sa cuisse la lame de rasoir jetable qu'il a cachée lors de son transfert de la prison au CHU. Il plie son couvre-lit en 2, entre ses cuisses, pour absorber le sang. Découpe l'élastique de son survêtement pour confectionner 2 garrots, censés accélérer l'hémorragie. Et là, il se sectionne l'artère fémorale. Il doit se reprendre à 2 fois pour traverser ses muscles et atteindre son artère profonde. Et surtout, tenir, ne pas bouger, rester silencieux. À minuit 38, l'un des policiers remarque que la tête de l'ancien adjudant est relâchée selon un angle étrange. Il entre dans la chambre, constate le sang qui s'égoutte sous le lit et se précipite pour appeler un médecin. Chanal est mort, il est minuit 47. Avec le décès de l'accusé, l'action publique s'éteint. Il n'y aura donc pas de procès pour les disparus de Mourmelon. Pierre Chanal vient de gagner son combat contre les autres, contre la justice, mais qui n'était peut-être au final qu'un combat contre lui-même. La vérité, dans cette affaire, en sera pour ses frais. they say. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui les disparus de Mourmelon dont nous parlons avec notre invité Jean-Luc Ployer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Reims sur France Inter. Oui. Vous êtes expert judiciaire auprès des tribunaux depuis plus de 30 ans. Vous avez réalisé près de 13 000 expertises, je crois, dont celle de Pierre Chadal. Oui. Expertise, vous ne les racontez pas toutes, vous en racontez certaines dans votre livre intitulé oui. L'approche du mal, coécrit avec Mathieu Livorail aux éditions Grasset. Voilà. Alors, vous avez rencontré Pierre Chadal, mais surtout avant cela, vous avez dressé le profil psychologique du tueur de Mourmelon, qu'on n'avait pas identifié comme étant Pierre Chadal à cette époque-là. Comment avez-vous fait ce profil, pardon? Oui, tout à fait. C'est en fait, comme vous l'indiquiez dans votre reportage, là, manifestement, les gendarmes, directeurs d'enquête, étaient un petit peu, avaient des difficultés, comme ça, hein, par rapport à ce qui se passait au niveau des disparus de Mourmelon. Et donc, le capitaine Vaillant, à l'époque, le chef d'enquête, quoi, hein, m'a demandé de profiler. C'était pas un terme qu'on employait couramment. En tous les cas, en France, c'était beaucoup plus évident aux États-Unis, mais pas en France. De profiler éventuellement soit un tueur, soit plusieurs tueurs. Voilà, il m'a dit, vous avez carte blanche, etc. Donc j'ai pris une feuille de papier, je l'ai découpée en deux. J'ai déterminé le profil des victimes, ce qui était beaucoup plus simple, si vous voulez, puisque j'avais quelques éléments de dossier où manifestement c'était effectivement des autostoppeurs, des jeunes appelés, qui étaient d'ailleurs pour la plupart assez immatures et repliés sur eux-mêmes, si vous voulez. Donc au niveau du profil des victimes, c'était pas très difficile. Et puis au niveau de l'auteur, j'ai décidé que c'était un seul auteur et non pas plusieurs, et qu'on était effectivement dans un espace criminel. Hein. Est-ce que vous avez deviné? Pardon, bah continuez, je vous laisse dérouler. Non, continuez votre histoire. Je vous en prie. À partir de là, j'ai décliné plusieurs critères, si vous voulez. Hein. J'ai indiqué à M. Vaillant qu'il fallait aller voir, c'est une hypothèse de travail évidemment, du côté de l'armée. Hein. Oui. Un militaire frustré. Un militaire aussi qui a certainement, compte tenu du profil des victimes, et également une sexualité refoulée un peu particulière du domaine de l'homosexualité, c'est une hypothèse de travail si vous voulez. Et je suis jusqu'à aller à donner le grade, en quelque sorte, de l'auteur potentiel, tout simplement parce que j'avais été militaire moi-même, et qu'un adjudant-chef, à l'époque en tous les cas, c'est un petit peu comme un angle mort dans une voiture, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il ne rendait compte à personne au niveau de la hiérarchie, si vous voulez. Donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Et quelqu'un de très organisé, oui, méticuleux, etc. Et pourquoi vous dites qu'il avait une sexualité un peu particulière? Il est homosexuel, ça n'a rien de très particulier. Mais peut-être qu'effectivement, dans l'armée, ça n'est, à l'époque, ça n'était, oui, pas majoritaire, ou surtout on n'osait pas le dire. Oui, c'est ça. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, si, oui, vous voulez, hein, parce que c'est pas. Bien sûr. Je n'ai absolument rien contre l'homosexualité. C'est pas ça du tout que je veux dire. Mais bien sûr, j'ai bien compris. Mais manifestement, il pouvait utiliser, en tous les cas, éventuellement, si vous voulez, cette problématique sexuelle, à des fins criminelles, quoi, vis-à-vis de victimes potentielles qui étaient des cibles relativement faciles pour lui, si vous voulez. Alors, grâce à votre profilage, donc, oui, les policiers reconnaissent Chanal, vous le rencontrez, je crois, trois fois. Donc, s'il y a trois fois, il y a au moins, obligatoirement, oui, une première fois. La première, oui, fois, c'est en 2003, pour une première, oui, expertise. Quelle impression il vous fait? Comment est-il? Qui est cet homme? Oui, alors c'est toujours important les premières fois, vous savez, quand on est, en plus j'étais relativement jeune expert, si vous voulez. Pierre Chanal, c'est quelqu'un d'extrêmement, aucune vibration émotionnelle, extrêmement contrôlé, aucun lâcher prise, hein. Il est dans la vigilance totale. La première fois je l'ai vu lorsqu'il était incarcéré à Chalon en Champagne à l'époque, le juge Chapard l'avait mis en examen pour l'affaire de Mourmelon. Et donc, il avait déjà été jugé à Chalon-sur-Saône, et il avait été détruit, c'était son expression qu'il avait utilisée par les experts. Donc, il ne parlait plus à aucun expert. Donc, la première fois que je l'ai vu en 2003, il m'a simplement décliné son identité, il m'a donné son numéro de matricule, c'est un militaire, hein, et relativement courtois, comme le sont ces personnages hors normes, si vous voulez, relativement courtois en entretien, il m'a demandé si j'allais être défrayé de mes frais de déplacement, si vous voulez. Et il est parti. C'est étonnant comme question, effectivement. Et il est parti. Ça a duré 40 secondes. Alors, vous l'avez revu une deuxième et une, oui, troisième fois. Alors là, c'est différent. Oui. C'est intéressant. Comment est-il après cette troisième audition, lors de cette troisième audition? Alors là, j'ai pu faire une expertise relativement aboutie, si vous voulez, hein. Pour répondre à votre question antérieure, Pierre Chanal, c'est une forteresse, si vous voulez, et qui s'effrite absolument pas. Sous contrôle, quoi. Toujours sous contrôle. Il est toujours sous contrôle. Il y a des boutons sur lesquels il faut pas appuyer, ou alors il laisse émerger une espèce de fébrilité comme ça. Il a des tics nerveux au niveau du visage, et il dit j'ai un voile noir. On passe à autre chose, vous voyez. Donc là, manifestement, soit il peut partir, si vous voulez. Donc à ce moment-là, effectivement, on passe à autre chose. Donc je l'ai vu deux fois à Fresnes, deux trois mois avant son procès. C'était la présidente de la cour d'assises de Reims qui m'avait demandé de le faire, et il m'a quand même assez parlé de lui, si vous voulez. Hein. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous disait? C'était quoi ce qui en ressortait de plus fort? De plus prégnant, pas forcément fort, de plus prégnant. De plus prégnant, c'est le fait qu'il était totalement dans le, ce qu'on appelle dans notre jargon, le déni, si vous voulez, si les faits sont avérés, en tous les cas. Hein. Mm-hmm. Et il faut savoir aussi que, par rapport au personnage hors norme que j'ai rencontré, j'en ai rencontré d'autres, hein, c'est le seul qui n'a pas été condamné, si vous voulez. Hein. Donc c'est un tueur en série potentiel, en ce qui potentiel, concerne bien sûr, bien personnel, sûr, puisqu'il n'a jamais été condamné. Maintenant, en dehors de ça, c'est un des seuls que j'ai trouvé le plus méticuleux, le plus précis, le plus organisé dans son mécanisme de défense, si vous voulez. Par exemple, la sexualité, c'est absolument pas abordable. Absolument pas. Tabou, c'est la partie tabou, quoi, on n'en parle pas. Complètement, c'est la partie non visible de l'iceberg et on peut absolument pas, si vous voulez, la faire émerger. C'est absolument impossible. Il m'a parlé de vous savez, les experts retracent un petit peu, cheminent avec l'intéressé sur ses conditions d'éducation, par exemple. Hein. Mmh. Il a une image de son père qui est terrifiante. Hein. Quand il parle de son père, il dit c'est le néant. Mmh. Vous voyez. Donc, comme vous l'avez rappelé dans votre reportage, c'est le cinquième d'une fratrie de 17 enfants. Il a été très vite l'aîné, puisque les quatre premiers sont partis, et c'était le bouc émissaire de la famille, si vous voulez. Hein. Donc son père, qui était violent, alcoolique, effectivement, le faisait dormir sur comme un chien sur l'escalier de la maison. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, tous les petits garçons qui subissent ce type de carence ne deviennent pas des tueurs en série, si vous voulez. Donc il y a d'autres éléments, si vous voulez, au déroulement un petit peu comme ça de mes entretiens, où manifestement, comme vous l'indiquez également, de façon pertinente d'ailleurs, l'armée c'était sa famille de substitution. Hein. Donc il avait beaucoup investi, il voulait être moniteur parachutiste. Et par contre, il a raté des examens par rapport à un problème, je crois, de cheville, enfin un problème médical. Donc après, il a été instructeur pour les hommes de troupe. Mais ça, effectivement, j'entends bien, oui. L'itinéraire, c'est important, mais ça explique pas le passage, si c'est lui, évidemment, à ces actes-là, et c'est qui va fonder l'accusation. Oui, il ne pouvait, si vous permettez, il ne pouvait prendre du plaisir sexuellement que dans le sadisme. Ça c'est totalement son éveil sexuel, si vous voulez. La difficulté, c'est que là, ce sont des hypothèses de travail, si vous voulez. Hein. On ne détient aucune certitude, évidemment, mais ce sont des hypothèses de travail solides, quand même, si vous voulez. Où manifestement, j'ai essayé d'aborder ça avec lui. Il a fait une posture comme ça d'opportunité en me disant qu'il avait éventuellement fréquenté une jeune femme. Je le crois pas du tout. Je le crois pas du tout. Hein. Il avait certainement une orientation homosexuelle, compte tenu aussi de ses conditions d'éducation, de son rapport terrifiant avec son père, la sexualité ou l'affectivité ne pouvait être que sadisée chez lui, si vous voulez. Bien sûr. Alors, je crois qu'on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Dominique A, qui nous chante à la même place, et on ira encore un peu plus loin dans le profil psychologique de ce monsieur Chanal. D'accord. Ils attendaient dans la voiture, ils regardaient tout droit devant, toujours à la même place, face au fleuve d'eau à l'océan. Elle avait le regard éteint, et lui les mains sur le volant. Des heures filaient, de vagues. Thank you. Jean-Luc Ployer, expert judiciaire, avec qui nous parlons du cas de la personnalité de Pierre Chanal. Dans votre livre, vous dites que des blessures narcissiques se nichent souvent dans la biographie des criminels. Oui. Est-ce qu'il y en avait chez Pierre Chanal et quelles étaient-elles ? Oui, tout à fait. Je ne crois pas du tout, vous savez, au chromosome du criminel. Hein. Donc à partir de là, on cherche effectivement qu'est-ce qui s'est passé chez eux. Donc en ce qui le concerne lui, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de l'image de son père, hein, qui est tout à fait terrifiante. Le fait aussi qu'il était frustré, si vous voulez, blessé narcissiquement dans son orgueil. Hein. Au niveau de l'armée, il avait surinvesti en tous les cas cette famille de substitution, comme il disait. Et puis il a également, lorsqu'il était instructeur, il a fait une manœuvre avec des balles réelles comme ça la nuit, et manifestement il a été aussi extrêmement sanctionné par sa hiérarchie. Ouais. Donc tout ça, si vous voulez, ça alimente, ça nourrit, et en matière criminelle c'est redoutable, les blessures narcissiques, si vous voulez. Et vous dites que Chanal n'avait rien de dépressif. Alors comment expliquer son oui. suicide ? Est-ce que c'est la peur de la honte qu'on mette sur la place oui. publique, ce qu'il avait fait, et l'altération terrible de son image ? Oui, tout à fait. La justice des hommes, si vous voulez, ce type de personnage, ça les concerne pas. Hein. Oui. Soit par lâcheté d'ailleurs. Hein. On peut pas l'exclure non plus. Mais en ce qui le concerne lui, en tous les cas, c'est ce que j'appelle un suicide d'orgueil. C'était absolument pas quelqu'un qui était dépressif, chroniquement, si vous voulez. Hein. Il avait déjà fait une première tentative de suicide quelques mois avant. Et la troisième fois, je l'ai vu d'ailleurs à l'hôpital de Fresnes. On le savait pas, enfin en tous les cas, moi je le savais pas à l'époque. Il était en phase terminale d'un cancer généralisé. Hein. Ouais. La dernière fois que je l'ai quitté, il était dans un fauteuil roulant, si vous voulez. Mais on sentait encore chez lui une force de conviction comme ça, à ne pas reconnaître. C'était quelque chose de absolument vital, si vous voulez. S'il reconnaissait les faits, manifestement, c'était pour lui l'anéantissement, hein, total. Mais de son moi social déjà, son moi et son moi social, d'accord. Complètement. Moi, je reviens sur un point qui me chiffonne, j'arrive pas à comprendre. Donc, il oui. est homosexuel dans une époque où il était plus dur d'être homosexuel qu'aujourd'hui déjà, dans une institution oui. professionnelle qui n'est pas porteuse, en tout cas qui à l'époque n'était pas forcément porteuse de cette sexualité. Il aurait très bien pu la vivre, sa sexualité, en cachette, mais de façon normale, consentante, avec des hommes consentant. Donc la sexualité n'est pas sa sexualité n'est donc pas l'explication de cette frontière qui se trouble entre le bien et le mal. Il la comprend plus puisqu'il va dans le mal. Si c'est lui, évidemment. Oui. Alors d'une part, pour essayer de répondre à votre question, mais vous savez, on n'a aucune certitude, hein, monsieur. C'est pas. Oui, c'est bien. Si c'est lui. Bah oui. Alors en dehors de ça, la difficulté avec Pierre Chanal, que j'ai pas du tout rencontré par exemple avec un Michel Fourniret, vous voyez, oui. mais la difficulté avec Pierre Chanal, c'est que manifestement il ne parle pas du tout, hein. Et donc évidemment nous on élabore des diagnostics par rapport à une communication verbale, si vous voulez. Eh ben oui, hein. Là, il manquait de matière. Donc à ce moment-là, on peut pas exclure le fait que ses premières expériences homosexuelles peut-être ont été elles-mêmes sadisées. Je n'en sais absolument rien. Jean-Luc Ployer, en tous les cas, c'est une hypothèse oui. de travail. D'accord. Et pardonnez-moi de vous bousculer, on va finir là-dessus, ce oui. sera le oui. mot de la fin. Vous savez, le temps, c'est le temps, n'est pas incompressible. Merci beaucoup. Au revoir. Vous en prie, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Les Disparus de Mourmelon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Merci à Anne-Laure Cochet qui était à la technique aujourd'hui.